Péché. 2h35. Qui pense ici au péché? Un homme, abruti justement par le péché, débordant de péché et débordé par lui. Quoi? Alors que j'aurai l'audace de m'approcher demain des plus saintes espèces? Ô Dieu, dont la main passe sur la cime des bois, sur l'océan, je suis le nid même du mal et du péché, sans savoir jamais m'en dépêtrer, sans essayer même de sortir de ce filet infernal, de cette impuissante glu. Ô péché, que tu pèses lourdement sur l'arc de mes épaules velues. Ô péché, que tu courbes violemment jusqu'à le déformer l'arc bientôt brisé de mes épaules fragiles. Sur cet arc où jadis passait la main de Dieu, le poids tranchant du péché, le péché, fait d'abord jaillir un sang noir. Prêtre, tu pardonnes trop vite. Tu émousses trop tôt la blessure sanglante du péché. Ô Dieu, dont la main passe sur la cime des bois, sur l'océan, il pardonne trop vite. Il émousse trop tôt la blessure sanglante du péché. Celui qui pense ici au péché est un homme abruti par le péché, débordé par lui. Il demande à Dieu, dont la main a passé sur la cime des bois, il demande à Dieu, « Ô toi, infinie bonté, qu'est-ce que le péché ?» Et Dieu ne répond pas. Le diable dit, « C'est moi ? Toi, répugnant au principe de la matière immonde ? Toi, être ridicule, c'est toi, le péché, toi, le contraire de Dieu. Alors, c'est vers toi, ennemi, vers toi que je vais constamment, vers toi que moi, créé par Dieu, je vais, vers toi, le capulé de ce mont aigu. Mais je suis donc un insensé. Quoi? Je serai le matin à implorer l'amitié de Dieu et le soir à m'associer à son adverse. Ah, laissez-moi pleurer au spectacle de ma folie, ou rire au spectacle de ma déraison. Le matin, au blanc, le soir, au rouge. Oh, j'ai honte de moi et de ma boussole brisée. J'ai honte de cette folie, honte de moi, grenouille malsaine, lune maléficiée. Je voudrais, ô mon Dieu, toi dont la main passe sur le sommet des monts et sur l'océan, que ma volonté rassemblât en un faisceau tous les instants de ma vie future, tous les instincts de ma vie présente. On te l'a dit, renonce aux joies de la chair, et tu as juré de renoncer. Aujourd'hui, le diable te prend par des plus nobles sentiments. Ne m'induisez pas dans les tentations, dit le Paternoster. Or, tout est tentation pour le vrai pécheur. Je suis né pécheur, comme tant d'autres sont nés justes. Il est encore temps de fermer les portes de mon âme. Je suis le vainqueur du serpent. Mon Dieu, reprenez-moi dans mon humeur victorieuse du mal. Rendez-moi la clarté des sentiments divins.